Remontez, remontez à ces heures passées, vos tristes souvenirs m'aident à soupirer. Allez où va mon âme, allez, ô mes pensées, mon cœur est plein, je veux pleurer. Alphonse de Lamartine. III. Berthe s'était tue comme si elle y eût été obligée par la force de ses émotions. L'instant d'après, elle reprit. Nous arrivons. Ce premier coup d'œil, jeté dans une salle de bal, est enchanteur. Cette foule brillante, cette foule en dentelle, en gaze, en soie, en plumes, en diamants, qui va, vient en tous sens, se multipliant dans les glaces, scintillant des feux de mille bougies, cette musique harmonieuse qui vous enlève et fait qu'on doute si vos pieds tiennent à la terre, ces vastes salons, ces fleurs dont les parfums ajoutent à l'enivrement, tout cela était prestigieux. L'illusion fut complète, absorbée par ce spectacle qui, en frappant mes regards, envahissait mes sens. Je cessai pour un moment de réfléchir. Jeté dans une extase indéfinissable, je ne savais où j'étais, si je rêvais, si je veillais. Ce premier moment passé, je me trouvais, sans savoir comment, assis sur une banquette, au milieu de plusieurs femmes aussi belles que parées. Les danses avaient cessé, on servait des rafraîchissements. Les danses recommencèrent. Au premier coup d'archet, un nombre infini de mains s'avancèrent vers toutes mes compagnes. Puis, avec un mot, une prière, une demi-phrase, on les prenait, on les conduisait à la danse, toutes, toutes, excepté moi. Alors je m'aperçus que je n'avais pas encore dansé, et je m'étonnais. La contredanse finit, une autre succéda, puis une autre. La moitié de la soirée se passa, et je n'avais pas bougé de ma place. Mais qu'ai-je donc pour être ainsi délaissé? Me demandai-je, et je ne le devinais pas. Peu à peu l'ennui me gagna, seul sur ma banquette, isolé des jeunes femmes qui dansaient, des vieilles qui causaient ou jouaient, des jeunes hommes qui ne m'approchaient pas. J'interrogeais des yeux tout ce monde. Mes pensées se succédaient avec une rapidité effrayante, et aucune ne me disait ce que je voulais savoir. Aucune ne venait me dessiller les yeux. Je ne devinais rien, rien, ni le sourire moqueur des femmes, ni l'air avec lequel elles passaient, se parlant à l'oreille devant ma place, rien, pas même le regard étrange que les hommes laissaient tomber sur moi par hasard, ou à dessein, je ne sais. Et pourtant, dans ces sourires de femmes, dans l'air dont elles m'examinaient, dans ces regards d'hommes, il y avait un sentiment inexplicable. On y lisait quelque chose qui ressemblait à de la peine, de la pitié, quelquefois même du dédain. Cela me faisait mal, et pourtant, je le répète, je ne devinais rien. Insensé, tout me semblait obscur, et tout aurait été si clair si j'avais voulu comprendre ce que je voyais. Vers le milieu de la soirée, une très jolie personne s'approcha de moi. « Vous ne dansez pas ?» me dit-elle. Je rougis, et ma rougeur, mieux que des paroles, lui en apprit la cause. « Je vais réparer cet oubli, » ajouta-t-elle avec obligeance. Puis elle s'avança vers un jeune homme. Il fallait voir comme j'écoutais avidement ce qu'elle allait dire à ce jeune homme. Ce ne pouvait être que pour l'engager à me faire danser, et je m'en réjouissais à l'avance. Déjà même, arrondissant mon collier, relevant mes gants, admirant ma toilette, je sentais mes pieds pétiller sous moi. Mon cœur battait, et sans trop savoir ce que je faisais, je me levais à demi, prête à faire un pas au-devant de mon cavalier. Alors, j'entendis. « Ernest, va engager cette demoiselle. »« Laquelle ?»« Regarde bien la plus laide d'ici. » « Fie donc, Pauline, c'est abusé de ma position de fils de la maison. Cherche-lui un autre danseur que moi. C'est qu'en vérité, je désespère qu'un autre la veuille. Je n'ai pas de peine à le croire. Elle est bien laide, je l'avoue, mais enfin, est-ce une raison pour ne pas danser ? C'en est une au moins pour ne pas trouver de danseur. Tu n'es guère complaisant ce soir, mon frère. Vraiment, ma sœur, c'est qu'aussi tu veux exiger de moi une chose qui est au-dessus de mes forces. Cette jeune fille n'a donc pas d'amis, de parente, pour lui dire que sa place n'est pas dans un bal, que lorsqu'on est ainsi bâti, on reste chez soi, que l'éclat des lumières, comme celui du grand jour, ne lui convient pas, que l'ombre... Chut donc, Ernest, si elle t'entendait! Bah, elle ne croirait pas que c'est d'elle dont on parle. Une femme, vois-tu, Pauline, même la plus laide, se fait toujours illusion. Pauvre fille, c'est bien triste d'être ainsi disgraciée si jeune. Elle me fait peine à voir. Moi, sa vue me donne envie de rire. Méchant, mais l'orchestre commence, je t'en prie, Ernest, un petit acte de complaisance. Tu le veux, ma sœur, allons, je me sacrifie. Et le jeune homme vint à moi. J'étais retombé anéanti sur ma banquette. À mesure que le jeune homme s'avançait, je sentais une sueur froide se glisser dans mes veines. La salle, les bougies, le monde, tout tournoyait autour de moi. Un voile se répandait sur ma vue. Mes oreilles tintaient. Et pour un empire, pour tout au monde, je n'aurais pris cette main qu'on me présentait. Je refusais. Eugénie, peu de personnes comprendront ma souffrance. Toi-même, je le vois, tu m'accuses d'exaltation. Mais si tu savais que moi, dans une chose aussi puérile en apparence, j'ai vu d'un coup d'œil mon avenir détruit, toutes les illusions de la jeunesse s'évanouir, et la froide réalité s'offrir à mes yeux, sans aucun nuage pour en adoucir l'amertume. Si tu savais cela, n'est-ce pas que tu me plaindrais, Eugénie ? Oui, j'ai senti ce soir-là que ma vie était comme brisée, que désormais elle devait s'écouler triste, solitaire. J'ai compris que mon cœur brûlant devait se sécher sans trouver jamais un cœur qui battît pour le mien, une âme qui répondit à la mienne, et que l'amour et ses rêves et ses félicités, l'amour, seul bonheur sur la terre à envier aux anges, seraient pour moi chose impossible. Que jamais il ne m'arriverait ni un regard de félicité, ni une parole heureuse. J'ai compris tout cela, et je n'avais que 15 ans. Et ce long avenir qui s'ouvrait devant moi, tel que me l'offrait mon imagination désenchantée, cet avenir m'effrayait. Depuis ce moment, je ne suis plus allée au bal. Ici, Berthe soupira et se tut.